Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Eh ben, bonsoir, comment ça va? Bonsoir ça tout va. Le monde, bonsoir Adrien, bonsoir Fred. Bonsoir Romain. Bonsoir Romain. Et bonsoir Adrien. Bonsoir Fred. How Alors, are you guys? Well, I'm good. How's the confinement? How's the... So far so good. I'm okay. It'd be better without the confinement, you know, to see you guys, but... Well, you can see us right now, we're on Zoom. Okay. Yeah, we see you live on the... online. Yeah, that's quite fun since the pandemic started, but it would still be a lot better to see you guys and our usual habits of having fun. Well, the advantage is right now we can play more songs in a show like that. I mean, the sad part of it is we don't have guests as much as we'd like to, but right. Go ahead. That's a good idea. Maybe we should have guests soon. Yeah, we can maybe try to do we that will. Soon. Yeah, we'll try that. Well, tonight the topic is going to be about prisons and jails and confinement. There's going to be songs from traditional songs and to like chansons to pop songs and rock, and there's going to be a big variety of songs. So that should be nice. Cool. For about 2 hours, and we'll talk also about the events coming up. And first, we also before we play those songs about prison and confinement, there's going to be two, maybe three songs by Christophe, who's really one of the French music legends. He's been around for over 50 years. And I think Aline was in 1965, and he just passed away a few days ago. From COVID-19. Yeah, so Aline was one of his big songs, and there was also Les Mots Bleus. Mm-hmm. And more recently, Paradis Actually, Perdu. Actually, Les Mots Bleus, he wrote the music in maybe like 5 minutes. He said the other day, I listened to an interview and it just came like that. And surprisingly enough, the lyrics were written by Jean-Michel Jarre, who's especially known for his musical compositions and not for lyrics. Yeah, he has no lyrics in most of his songs. Well, sometimes there is, but it's just like, no future. So that's, That's true. And sometimes he does collaborations too. But Les Mots Bleus, Aline, and Paradis Perdu, which was covered by Christine and the Queens more recently. So even people who didn't necessarily know that it was from Christophe just rediscovered the song through Christine. So, all right. And in the middle, we'll talk about the events. Ok, sounds good. Okay. On y va? C'est parti. Eh bien, c'est parti, mon kiki. Cool. The first song we're going to listen to is going to be from Christophe, and it's going to be Aline, one of his biggest success. Then we're going to listen to Les Mots Bleus, or the Blue Words, and we're going to listen to Daisy. Daisy is part of his most recent album, which is a best of, but it's also done with other singer. In this case, Laetitia Casta is singing with him. J

It was Christophe with three titles, Aline, Les Mots Bleus, and Daisy. Programming on KFAI is supported by the French-American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French-American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we're going to listen to L'Impératrice with Confination Tropicale, Tropical Confinement. Then we're going to listen to Clairvia with Cage Dorée, Golden Cage. And Le Vent du Nord, our friend from Quebec, with Dans les Cachots. And Les Cachots is a jail. It's kind of like the old term, like more middle age term. COVID-19 is spread the same way as the influenza or common cold viruses. In addition, spray droplets produced by sneezing or coughing that fall on surfaces can be transferred to other people by touching. The virus can remain viable for up to 9 days on surfaces, so frequent sanitizing of surfaces with bleach or alcohol is advised. Remain calm. Keep yourself informed. Frequent and thorough hand washing is the best way to reduce your risk. Avoid large gatherings if possible. Sneeze or cough into your elbow or into a tissue that's properly disposed of. avoid touching your face. Clean frequently touched surfaces like doorknobs, phones, or computer keyboards. Plan ahead and call your doctor if you've got symptoms of COVID-19. M'endormir avec toi. Même s'il n'y a pas d'or là-bas, sans promesse ni pourquoi, sans contrat ni coup bas. Et ma carcasse rouillée et continue à errer, puis déjà transbalère. L'inaccessible étoile a sûrement dû exploser pendant qu'on me chantait les louanges d'une triste et longue stabilité. J'entends fais comme nous marie-toi, ce n'est qu'un bout de papier. Faut arrêter de rêver quand le premier cheveu blanc apparaît. Allez viens, épouse-moi, prends ces bouts de papier, je t'emmènerai. M'endormir avec toi. Même s'il n'y a pas d'or là-bas, sans promesse ni pourquoi, sans contrat ni combat. Avec toi. Même s'il n'y a pas d'or là-bas, sans colère ni pourquoi, sans contrat ni coup bas. Dans Paris, vive le roi. Y a-tu des filles dans les cachots qui voudraient bien se marier? Son père veut l'en empêcher. Pour mettre fin à ses amours, son père lui a fait faire une tour. Et il l'a fait emmener par quatre soldats officiers. La belle Aubin était 7 ans sans voir aucun de ses parents. Au bout de la 7e année, son père vint la visiter. Bonjour ma fille, comment vas-tu? Mon très cher père, ça ne va pas bien. J'ai un côté mangé de verre et les deux pieds pourris de fer. Mon bon papa n'arrive pas, 5 ou 6 frères à me donner. Si pour porter aux chevaliers qu'ils viennent monter et faire les pieds. Oh oui, ma fille, nous en avons plus de 6 000 et 6 millions. Oh oui, ma fille, tu en auras, mais tes amours, tu quitteras. Mon bon papa, allez-vous-en avec votre or et votre argent. J'estimerais mieux ne jamais vous voir que d'abandonner mes amours. Son cher amant, passant par là, un mot de lettre lui donna. Un mot de lettre lui disant, belle, souvenez-vous de moi. Faites la mort la décéder, en cette nuit faites-vous porter. Le clergé s'en vient en chantant, son père derrière lui en pleurant. En passant au coin du marché, son cher amant qui la voit passer. Puisque mamie est décédée, morte ou en vie, je la verrai. Il a pris ses ciseaux d'argent pour en découdre le grand problème. Le beau galant pousse un soupir, la belle répond d'un grand sourire. On ne connaît pas la trahison entre les filles et les garçons. C'est au curé de les marier afin qu'ils puissent enfin s'aimer. It was l'impératrice with Confination Tropicale, Clairvia with Cage Doré, and Le Vent du Nord with Dans les Cachots. Now we're going to listen to some other Québécois with Les Charbonniers de l'Enfer, with En Prison Maintenant, In Jail Right Now, and then it's going to be Triane from Brittany with Les Prisons de Nantes, which is a classic, but his interpretation is very Celtic. Then we're going to listen to Ramsès with J'ai un trou dans ma tête, I have a hole in my head. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Je lui ai dit tant de fois d'arrêter ses cartes et ses jetés. Il est en prison maintenant. Eh, Normand. Ouais. T'as connu, toi, Trèfle Foron? L'avocat. Sais-tu quoi? Non. Il est en prison. Hurlé, hurlé, hurlé. J'avais un ami du nom de Bob. Son plus grand défaut, c'était le vol. Il croyait être le plus sage. Et pourtant, j'ai appris ces jours derniers qu'il s'était fait enfermer. Je me demande s'il y est pour longtemps. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Il est en prison maintenant. Je lui ai dit tant de fois d'arrêter ses cartes et ses jetés. Il est en prison maintenant. Énormément. Ouais. Ça te dit quoi, ça, Midos Mayotte? Le procureur? Sais-tu quoi? Non. T'es en prison. Hurlé, hurlé, hurlé. Au restaurant, mardi dernier, Suzy là, j'ai rencontré. Je croyais lire dans ses yeux la douceur. Elle dépense tout mon argent. Elle m'appelle mon chéri, mon grand. J'ai manqué d'argent à la dernière heure. J'suis en prison maintenant. J'suis en prison maintenant. J'suis en prison maintenant. J'suis en prison maintenant. On m'a dit tant de fois d'être plus prudent. Je suis en prison maintenant. Je suis en prison maintenant. Je suis en prison maintenant. Je suis en prison maintenant. On m'a dit tant de fois d'être moins volage et plus prudent. Je suis en prison maintenant. Et Normand, ouais. T'as connu ça, toi, Conrad Marcel? Conrad Marcel, le juge? Ouais. Lui, il en a fait mettre du monde en prison? Ouais. Mais sais-tu quoi? Non. Il est mort. Dans les prisons de Nantes, landi-du-du-du-dan, dans les prisons de Nantes, y avait un prisonnier. Personne ne vint le voir, landi-du-du-dan. Personne ne vint le voir que la fille du geôlier, à la fille du geôlier. Un jour il lui demande, landi-du-du-dan. Un jour il lui demande, oui, que dit-on de moi, que dit-on de moi? On dit de vous en ville, landi-du-du-dan. On dit de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu. Mais il faut qu'on me pende, landi-du-du-dan. Mais il faut qu'on me pende, déliez-moi les pieds. La fille était jeunette, landi-du-du-dan. La fille était jeunette, les pieds lui a déliés. Le prisonnier alerte, landi-du-du-dan. Le prisonnier alerte, dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur les rives, landi-du-du-dan. Dès qu'il fut sur les rives, il se prit à chanter. Je chante pour les belles, landi-du-du-dan. Je chante pour les belles, surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, se trouve les jours de fête. Je vois passer un pas pressé, une foule à garde de gens heureux, une foule à garde de gens pressés qui sans façon demandent mieux. De ce trou, cette fenêtre, de cette cachette au fond de ma tête, blotti dans mon isolement, en solitaire malicieux, j'entends les rires incessants, j'entends les rires orgueilleux de trop de gens. Des furibonds, propos fort mal intentionnés, mais qui en vérité ne font. Que de filets. Ils sont bu détruire ma santé. Elles ont vu quand je suis mort, mais du spectacle y'en a pris traînant. C'est quand on voit que l'on s'endort. It was Les Charbonniers de l'Enfer with En Prison Maintenant, Triane with Les Prisons de Nantes, and Ramsès with J'ai un trou dans ma tête. Now we're going to listen to Joe Priva, and that's going to be an instrumental song with the accordion. And the name of the song is La Bastoche, which is the nickname of La Bastille, the Bastille. Then we're going to listen to Pascal Obispo with La Capture, and then Stéphane Echer with Prisonnière, Prisoner, in feminine. Programming is supported by Tech Discounts, the retail arm of Tech Dump. Tech Discounts helps minimize environmental impact by promoting reuse before recycling with a selection of refurbished laptops, desktops, monitors, stereo equipment, phones, parts to build your own system, and so much more. You can shop Tech Discounts in person at our brick and mortar store in Golden Valley or online at techdiscounts.org. The Internet Geeks at IP House are proud supporters of KFAI Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. C'est encore vous, mon cher. Oh, mais c'est encore vous, mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous, faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous. It was Joe Priva with La Bastoche, Pascal Obispo with La Capture, and Stéphane Echer with Prisonnier. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Renan Luce with Amoureux d'une flic, then Grave Allegro with La prise de la Bastille, which is a classical piece, then Notre-Dame de Paris with Les oiseaux qu'on met en cage, the bird that we put in cages. Elle m'a verbalisé avec classe. Elle souffla de l'air chaud au bout de son stylo. Elle m'a verbalisé avec grâce. Son petit poignet nerveux agitant son bic bleu. Elle m'a fait le coup de la panne. Le stylo de madame ne marche pas. Ça l'a fait marrer. Et moi, mal barré, me voilà. Amoureux d'une flic, pourquoi pas? Mais comment je l'explique à papa? Qui s'est fait dérouiller par tout un poulailler autrefois? Qu'à la marque d'une matraque, grosse comme un œuf de Pâques près du foie. Eh ben voilà en gros le dilemme. Si je les présente franco, papa Julie Lescaut, je peux déjà prévoir les chrysanthèmes. Faut la jouer fino, faut trouver le créneau. Pas lui dire que son fils stack tous les Bruce Willis en cassette. Que la loi de Murphy, pour elle, c'est celle d'Eddie, ma fliquette. Amoureux d'une flic, pourquoi pas? Mais comment je l'explique à papa? Lui qui a perdu une jambe pour un cocktail qui flambe mal lancé. Lui qui a l'ouïe moyenne, entendu trop de sirènes dans le passé. Elle s'est dit que l'uniforme était de rigueur. Pour leur première rencontre, je pensais que les fleurs c'était suffisant. Ben apparemment pas. Papa réagit avec classe. Dans ses yeux vides, j'ai vu un oui sous-entendu. Papa réagit avec grâce sous l'action du moteur de son respirateur qui m'a fait le coup de la panne. Électrocardiogramme qui est tout plat. Ma femme lui cogne des beignes espérant qu'il revienne. Mais voilà, amoureux d'une flic, pourquoi pas? Mais comment je l'explique à papa qui me donne des nouvelles quand passe dans le ciel un orage? Il pisse sur les roussins là-haut sur le coussin des nuages. Donate today at KFAI.org. What if I don't? We'll be forced to use the powers of radio. Ha! Radio doesn't have any power over me. Really? What if I said moist? Stop! I'll donate! KFAI may be weird, but we like it unless we say that word. Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? J'étais comme une hirondelle, j'arrivais avec le printemps, je courais par les ruelles en chantant des chants gitans. Où es-tu, sonneur de cloche? Où es-tu, mon Quasimodo? Viens me sauver. Mon Esmeralda, où te caches-tu de moi? Voilà au moins 3 jours déjà qu'on ne te voit plus par là. Es-tu parti en voyage avec ton beau capitaine, sans fiançailles, sans mariage, comme à la mode païenne? Serais-tu morte peut-être sans prière et sans couronne? Ne laisse jamais un prêtre s'approcher de ta personne. Souviens-toi d'un jour de foire où l'on m'avait mise à la. On est devenu ce jour-là amis à la vie à la mort. Il se passe entre toi et moi quelque chose de tellement fort. Les oiseaux qu'on met en cage peuvent-ils encore voler? Les enfants que l'on outrage peuvent-ils encore aimer? It was Renan Luce with Amour d'une flic, Grave Allegro with La prise de la Bastille, and Notre-Dame de Paris with Les oiseaux qu'on met en cage. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to 2 songs from Johnny Hallyday. The first one is La prison des orphelins, The Orphan's Jail, and the second one is a cover, and it's called in French Le Pénitencier, which is a jail, and it's a cover from The Animals, The House of the Rising Sun. Then we're going to listen to Johnny Montreuil avec So Long Tolar, and Tolar is someone who's in jail. Terre, tu n'es plus rien que ma misère et mon chagrin, et l'herbe verte dans le grand champ est couverte de ciment et la fontaine était séchée. Je t'ai trop fait. où tu les penses. Mardi à quatre pattes en garde à vue à Reims. Mercredi j'ai déjà hâte de revoir mes vertes années. Jeudi on me tord la rate et puis je suis tanné. Mardi, putain, ça caille dans ses trois pauvres mètres carrés. Mercredi, ah, j'explose la tête au premier venu. Oh jeudi soir sur la paille, au mitard, on m'avait prévenu. Venu me voir. Tant pis pour elle, ces crevards m'ont privé de parloir. J'ai crié de l'autre côté, je ne sais même plus quel jour on est. Crié de l'autre côté, brûlé toutes ces années. It was Johnny Hallyday with La Prison des Orphelins, Le Pénitencier, which is alive at the Olympia, and So Long Tolar from Johnny Montreuil. Great, the wonderful, the beautiful Johnny. So let's talk about the events. Romain, what's coming up? Well, actually, Wednesday will be the last time that Language Sprout in St. Paul will be having French story time. It is at 11:30, and that's what they've been doing for quite a few days now. So it's online, of course. And so at 11:30 on Wednesday, so tomorrow, there's a French story time for your children who are at home with you. All right. On the 22nd, on Wednesday, from 12:30 to 1:30, there's going to be at the Alliance with the Alliance Française, because it's online, Déjeuner en français online. So, you know, let's have lunch in French online. So the description is like break up the day with a relaxing conversation group over lunch hour. This drop-in mixed level conversation class is a great way to increase vocabulary and practice French in a casual and relaxing environment. Join us on a video conference on Zoom, and it's led by an Alliance Française instructor, and there is a cost for members and non-members, and the cost is different. All right. Andrea, okay. Do you want to talk about the webinar? Yeah. Yes, this is on Thursday, April 23rd at 11 a.m. There is a webinar on creating a culture of innovation. So that's hosted by the Chamber of Commerce, local chapter of Minnesota. And so you can tune in. They have a keynote speaker, Thierry Boudet, who is a specialist in innovation. And he will share some insights about how you can innovate and make your business a little bit more competitive. All right. Well, that sounds pretty good. Same thing. You can always find more information on our Facebook page, Bonjour Minnesota. Mm-hmm. But you can also, for this specific event, you can go to www.faccmn.com. All right. Very well. Excellent. Okay, Captain Romain. So on April 25th, so it's Saturday, there is the Pause Café online with the Alliance Française. It's from 9:30 to 10:30 in the morning, and it's better to register. And you can do that, of course, online on afmsp.org. Exactly. There's also a cost, and it's very much like the déjeuner. Nice. The lunch from before, but it's but even before there was they were doing the Pause Café as well, right? And it's more like you have to register, and it's not like the petit déj. Mm-hmm. Then on the 25th, do you want to talk about it, Adrien? Okay, on April 25th, so that's on Saturday at 1 p.m. and it goes until 4 p.m. You have Carnet de Voyage workshop. So that is a workshop put together by the Alliance Française. There is a cost associated to this event. And it's basically a travel journal that, you can write about your trips. And also you'll have Julie Bonnet and Cathy Fensky that are going to show how to document your journey and, make it a memorable moment and souvenir. Mm. And no French experience required, so... It's these classes start in French and English, and is appropriate, 12 years old and plus. So, yeah, I mean, instead of just coming back with a keychain and pictures, if you can put something together, that can be nice. Mm-hmm. Very nice. Yeah, very nice idea. And on the 29th is Déjeuner en Français online, and it's the same concept. It's on a Wednesday, and it's 12:30 to 1:30, where you can, it's a mixed class drop-in and pretty casual. Mm-hmm. And with the Alliance Française. All right. Et voilà. Cool. Yeah. Hey, what did you get for lunch? I got a bologna sandwich, string cheese, and an apple. What have you got? I got New Jack Swing Review, Corazon Latino, and Bonjour Minnesota. What? Yeah, Mom shops at KFAI. You can't eat radio. That's weird. It feeds my brain. KFAI is weird, but I like it. Attention, students. Tomorrow's lunch will be mostly jazz, Fubar Omniverse, and Beats, Rhymes, and Democracy. I'll trade you my string cheese for your New Jack Swing Review. Hey, you can't bump me. Now we're going to listen to Renaud avec La Nuit en Tôle, A Night in Jail. Then another Renaud with J'ai embrassé un flic, I Kissed a Cop. And he was just following Charlie Hebdo, where a lot of people in Paris and France were very grateful for the police and their protections. Then we're going to listen to Trust avec Le Mitard. Le Mitard, which is another kind of cell jail, a little bit like isolation. Dans un bled à la con où je faisais vacancier en pays carrément étranger, un scooter japonais et poulet monté épinglé. Garez-nous sur le côté, montrez-nous vos papiers et soufflez dans le ballon, s'il vous plaît. J'étais tellement fracassé qu'ils ont décidé de m'embarquer, visiter le pénitencier. J'ai passé la nuit en tôle, et puis la journée aussi. Y'a des choses franchement plus drôles, à moins que vous aimiez l'ennui. Assis le cul par terre, j'ai vécu Midnight Express, la solitude, la détresse. Tu repenses à toutes les galères qui font que la vie a du bon dans 3 mètres carrés de béton. J'ai passé la nuit en tôle, la journée aussi, hélas. C'est pas vraiment rock'n'roll, à moins que vous aimiez la crasse. Pour y retourner plusieurs fois, y'en a qui doivent aimer ça. Moi je vous jure, ça m'a suffi. Même si mon amour s'en va, même si tout t'es moche parfois, on est mieux dans la vraie vie. J'ai passé la nuit en tourne, et puis la journée encore. Ça ne fait pas vraiment la gaule, à moins que vous aimiez la mort. Toujours traverser au feu rouge et dans les clous pour éviter les poulets et le newf. Faudrait suivre le droit chemin, faudrait pas trop faire le malin, se dire que la liberté c'est bien. Dans un bled à la con où je faisais vacancier, en pays carrément étranger, j'ai passé la nuit en tôle, j'ai passé la nuit en tôle. J'ai passé la nuit en tôle, j'ai passé la nuit en tôle. Des millions entre république et nation, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic. Oui, madame, il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Inhumain rétréci sans aucun lendemain. Sa pitance s'est glissée sous une grille à terre et dans un bol l'eau pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. plus son ombre infidèle compagne. Elle s'en est allée, refusant d'être esclave de ce vivant borné. Il tourne, il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever, pour trouver dans la mort sa seule liberté. Pleurer mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais peut-être pas personne. Pleurer mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Je vous bois une larme, pourquoi vous attristez? Pauvre chien, me dites-vous, oh voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté. Et fleurir mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurir mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part. Dans un monde de béton, aux arbres de barreaux fleuris, inhumain, rétrécissant, sans aucun lendemain, s'habitant, séduisé sous une grille à terre, et dans un bol de l'eau pour qu'il se désaterre. Il est seul, sans soleil. Et fleurit mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurit mes registres, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Vous vois une larme, pourquoi vous attristez? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. Celui que vos pères ont si bien condamné, Mesrine. En rendant la justice au nom des libertés, Mesrine. Il tourne, il tourne, il tournera toujours, Mesrine. Jusqu'au jour où vaincu en animal blessé, Mesrine. Il tombera à terre et se laissera crever. La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule d'où on ne sait pas. It was Renaud with La Nuit en tôle, then J'ai embrassé un flic, and Trust with Le Mitard. The French president recently announced that French schools will reopen on May 11th on a voluntary basis. Yeah. All of them or? Some of them. So I think it depends on the region. It will be actually the plan. So the plan is that we don't have all the details of how this is going to be implemented, and teams are still working on how they're really going to make sure that kids are still safe. Whether it will start by the youngest or with the oldest that can implement measures a little bit more easy. You know, it's easier for them when they're older to implement social distancing rather than the youngest. But they're still working on those details with a professor, De Fessy, that is the president of the French Council on COVID-19. Okay. Well, that's good to know. Yeah. Now we're going to listen to Les Shérifs avec Allô la police, Hello Police, Les Wampas avec CRS, which stands for Compagnie Républicaine de Sécurité, which is the people who are going first line on anti-riot protest, and then Suprême NTM with Prisonnier du Passé, or Prisoner of the Past. Devant la synagogue, je repense à ces choses. chanson c'est une dispense pente qui nous mène tout droit vers les débuts de la tourmente qui au fur du temps va en grandissant vers un futur, vers un avenir mirobolant lent, lentement, suivant les dessins ou le plan qu'avec acharnement, partant d'un bon sentiment, on tentait de tracer mes aînés, mes parents, de leur passé, de leur désir, je n'ai pu être exempt. Donc me voilà dans un monde peuplé de têtes sceptiques, me voilà catapulté dans la mare comme une brique, la multitude de ces visages cramoisis par la méfiance, par la méfiance, quand j'y pense. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonniers du passé. Destitué d'un homme pour assouvir un système, est-ce si oui c'est cela qu'on entrevoit en nous jetant dans l'arène, en omettant même cette innocence souveraine considérée comme une attitude malsaine. Mais pourtant malséant est celui qui ne comprend et il ne prend pas le temps de voir grandir ses enfants. L'innocent j'étais déjà pour un coupable à 16 ans, 16 ans. Prisonniers du passé, leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonniers du passé. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonniers du passé. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonniers du passé. L'opinion sur le blâmable, l'opinion sur la loi sont les produits de cosmétiques toujours trop contestables. Tantôt les préjugés, mais aussi la sociabilité qui sont les mamelles grâce auxquelles ont été fondées un système dont les fondations vampirisent nos opinions par la soumission sans prêter aucune attention à la marche du temps, au progrès toujours croissant, en tout point effrayant pour nos futurs enfants. Mais la marche des affaires humaines en tout point de vue, en tout domaine m'amène à dépenser non homogène nos systèmes. Grave le dilemme qui me prend comme la gangrène et m'engraine implicitement vers toute sorte de haine. Et leur pousser sans sorcier au suicide social, coupé sans préavis de mon cordon ombilical, prenant la vie comme une rivale, comme une chance minimale, c'est létal, ou plutôt l'anormale spirale de l'époque et adolescente où l'innocence est une loose pop punk qui nous mène tout droit vers les débuts de la tourmente qui l'ont perdu. Prisonnier du passé, leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonnier du passé, du passé, du passé. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonnier du passé, du passé. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé, prisonniers du passé. Leurs espoirs ont échoué dans les lames du passé. It was Les Shérifs with Allo la Police, Les Wampas with CRS, and Supreme NTM with Prisonniers du Passé. Now we're going to listen to Maître Gims with Appelez la Police, featuring MHD. Then Pierre-Paul Jacques with Police and Bébé Brune with Police Déprime. Ah, vous êtes plutôt comme ça. Ah ouais, tu parles comme ça. Et toi, t'en vois comme ça. J'ai dépensé 30 000 euros. J'ai même pas vu un verre. Et elle a changé d'avis quand elle a vu l'oseille. Casa Casa Lise, Jimmy Jimmy Weston. Le compte pèse une tonne pour vous qu'on me miche tonne. Ça reste de carrière polyvalente à la Mosdef. Je suis avec des blonds noirs et des arabes d'Ariusef. Et si tu t'es venu, ça te réveille au coup de crosse. T'as cru voir un fantôme passé en Rolls Royce. Ça prend des taufs et ça veut parler en aparté. Attends la bouche ouverte, alors on cherche une passe dé. Et cousine, je te trouve vachement tactile. J'ai l'impression d'être la victime. Et tu la plus bonne de la plus bonne de tes copines. Tu peux me péter. C'est que dim, panam, tu connais, ça t'y sort les gauves. Ce soir, on s'ambiance, pour ça qu'on se fait beau. D'ailleurs, ce soir, j'invite les bobos, les beaux. Ça critique, c'est normal, c'est que le son est bon. Je sais que j'en ai pas l'air, mais au fond, je suis sensible. Mais la vie est moins pénible, l'envol, l'autre la fait mourir. J'ai dépensé 30 000 euros, j'ai même pas mis la veste. Et elle a changé d'avis quand elle a vu le La puissance comme jamais, comme le moteur tu vas crier. Jamais inaperçu sur les Champs-Élysées, je suis en cabriolet. Dans le top qui tune ou au top tu t'aides d'affiche Ben Stage, passe à minuit. 5 étoiles sur le torse comme le Brésil, frappe dans le mille, je suis en fuite avec Riffy. Pour qu'ils sentent la totale, je mets des giflonnés. J'ai traqué dans 19, je suis localisé. Trois roues sur le crâne, à la bague, moi verbalisé. J'en ai pas l'air, mais au fond, je suis sensible. Mais la vie est moins pénible. L'envolante, la fumerie. Que les restes est polie, tout j'appelle. ce morceau, je l'ai composé dans le noir. Si tu doutes, demande à DJ Assad. Encore une fois, messieurs, dames, ça vient de Paname. Voilà oui, voilà non, tout ça me rend parano. Ce morceau, je l'ai composé dans le noir. Si tu doutes, demande à DJ Assad. Encore une fois, messieurs, dames, ça vient de Paname. Cette chanson, tu ne l'aimeras pas, je sais déjà. Police, tu t'es mal conduit, tu m'as brisé quand j'étais petit. Tu m'as battu, tu m'as enfermé aussi, pour me dresser à ce que tu disais. Dans tes cages que j'ai appris à t'aimer. Police, dans ton burlingue, ça sent la pisse, ça sent le vice. Oh non, ma forme n'est pas l'excuse, comme quoi tu viens de province, que tu n'avais pas de boulot, faut bien gagner son pain. Pour être un flic, il faut aimer ça. Ta maison, c'est le fourgon et le commissariat. Fais attention au jeune chien enragé. Il ne sait pas que tu as peur de mourir, que tu n'es pas prêt. Maintenant que tu portes l'uniforme dans la rue, payé pour ta taille, j'espère que tes supérieurs t'ont mis au jus. Pour être un flic, il faut aimer ça. Ta maison c'est le fourgon et le commissariat. Je t'aime pas, je peux rien y faire. Même en me forçant, je peux pas sourire. Police, au nom de tous les petits voleurs que tu as tués en rigolant. Pour maman, les larmes ne sèchent jamais. Pour les regrets, Dieu seul le sait. On se retrouvera dans le ciel. Y'aura Paride, y'aura Jamel. Imagine la fanfare. Police, t'es un fasciste, t'es un raciste. Dans tes rangers, tu nous méprises. Oh maman, les larmes ne sèchent jamais. On les reprend, Dieu seul le sait. On t'a bien monté la tête, tout est là sous la casquette. Les rebeux et les renois sont les premiers que tu suspectes. Pour être flic, il faut aimer ça. Ta maison c'est le fourgon et le commissariat. Regarde-moi bien, contre moi tu ne peux rien. C'est vrai que mon dossier est chargé, c'est pourquoi je connais mon sujet. Yeah. was Maître Gim with Appeler la Police, Call the Police, featuring MHD, then Pierre-Paul Jacques with Police, and Bébé Brune with Police Déprime. Now we're going to listen to Damien Saez with Police, and Dominique Grance avec Abba l'État Policier. We're against the police state. Circuler, il n'y a rien à voir à l'ouest du désespoir. Des faux frais pour la République, des soirées au ministère qu'ils nous vendront pour faire flipper le ménagère à son bon roi, les petites putains, les petits médias pour vendre la paranoïa. Police aux quatre coins du globe, police aux allures de milice, police qu'on appelle au secours, police à tous les carrefours, police sur les nationales, police tout devient banal, police dans les banalisés, police pour les fourgons pleins de police, ouais, police, ouais. Puisqu'il faut défendre la Vierge, police quand j'ai le diable au corps, dis-moi qui porte la mort, police dans les pays du Nord, toujours dans les diplomatiques, police chez mon automatique, et des PV pour les smicards, moi j'ai le piton noir, police dans les discothèques, police pour rien ne nous étonne, police que le ciel me pardonne. La mer, police toujours qui nous emmerde, police pour protéger les plaies des quartiers haute sécurité, police. Ouais. Police sur tous les continents, police dans les chambres étudiantes, police sur les places boursières, police chez le Bahama, police pour nos identités, police pour la communauté, police pour la chair à vie, police dans le trafic. Jusque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Was Damien Saez with Police and Dominique Grance with Abba l'État policier.